Les courriels du public, enregistrement numéro 6. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Je vais faire suite à un courriel que j'ai reçu. Donc, pour ce qui est des gens qui écoutent des vidéos sur cette chaîne ou qui font également la lecture de textes que je produis, si vous avez des commentaires positifs ou des critiques constructives se rapportant à ces éléments, vous pouvez m'écrire par courriel à mon adresse étant davidlevesque@hotmail.com. Bien sûr, si vous avez des questions d'ordre général se rapportant à la conscience, vous êtes les bienvenus là, pour m'écrire. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, je vais faire suite à un courriel que j'ai reçu de la part de Joey de Montréal, que je salue à présent. Donc, quand que je fais suite à des messages et que j'en parle publiquement sur ma chaîne, je ne donne pas d'informations personnelles que je peux recevoir par courriel qui permettraient d'identifier une personne d'une manière précise, dans le sens que ça permet, en agissant ici, de respecter la confidentialité, étant donné que ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui veulent s'afficher publiquement. Par conséquent, dans le cadre du courriel que j'ai reçu, j'ai décidé de ne pas donner le nom de famille de la personne. Et ça, je ne donne pas le nom de famille des gens. Je vais donner le prénom. C'est sûr que si vous pouvez me donner l'endroit où ce que vous êtes, ça peut être agréable de le mentionner sur les ondes, parce que je sais de par les statistiques de visionnement qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui écoutaient ces vidéos là, que je produis au fil des mois. Alors, je vais lire donc les extraits du courriel de Joey que je vais commenter par la suite. L'idée qu'on peut vivre avec une conscience absolue m'a fasciné depuis des années, depuis où j'ai fait l'expérience de la lumière, le moment où le temps semble s'arrêter tout d'un coup et qu'on ressent une force et qu'on veut à tout prix rester dans cette zone de plénitude. Ça n'a pas duré, mais j'essaie de comprendre le phénomène et me préparer à retourner vers cet état d'être. Je crois que c'est la meilleure décision et le meilleur but que je pourrais me fixer dans la vie. Quel conseil tu pourrais me donner pour fixer ces objectifs? Donc, plusieurs éléments dans ce questionnement. Tout d'abord, Joey, je vois que tu as écrit que, bon, l'idée qu'on peut vivre avec une conscience absolue m'a fasciné depuis des années. De mon point de vue, il ne faut pas être fasciné par rien, parce que si on est fasciné par quelque chose, eh bien, à ce moment-là, on peut être déstabilisé par cette chose-là. Donc, on devient influençable, donc on est plus stable dans l'ego. C'est sûr que quelqu'un qui vit une expérience de nature paranormale, donc quelqu'un qui vit un contact, par exemple, avec une entité, que ce soit une entité astrale ou une entité mentale, et qui vit une forme d'expérience de la lumière en relation avec cela, eh bien, c'est sûr que si la personne n'a pas nécessairement cherché ça consciemment à partir de son ego et qu'une expérience comme ça survient dans sa vie, c'est sûr que ça peut créer de la fascination parce que l'ego ne sait pas comment composer avec cette expérience-là. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est à travers la capacité d'intégrer au fil du temps l'expérience en vue de tenir compte de la réalité, de l'énergie avec laquelle on peut avoir été mis en contact. Donc, à ce moment-là, c'est à travers la capacité de traiter avec l'expérience en étant neutre dans le mental qu'on est capable de le regarder avec objectivité. Parce que si on est fasciné par quelque chose, eh bien, on peut vivre de l'enthousiasme et à ce moment-là, colorer émotivement le vécu de l'expérience pour l'embellir. Bien entendu, tu peux me dire, ben, c'est difficile de vivre une expérience en étant neutre dans le mental lorsqu'on l'expérimente pour la première fois et qu'on n'est pas préparé psychologiquement pour la vivre. Et bien entendu, c'est vrai que c'est difficile, mais avec le temps, l'individu apprend à composer avec la multidimensionnalité du réel en étant stable dans le mental. Et puis par rapport à une expérience, ce que la personne dit vivre de la lumière, donc ici ce qui est important de comprendre, c'est que le but de ce commentaire vise à faire un propos qui s'adresse à tous les gens qui peuvent vivre des expériences de nature paranormale ou de contact avec des entités ou d'autres réalités. Donc c'est pas spécifique mon propos par rapport à Joey, parce qu'il vise à être généralisable, donc ce qu'il faut être mentionné, c'est sûr que si une personne fait une expérience où elle est en contact avec un esprit, qui a une vibration qui est forte, de son point de vue, il peut avoir l'impression d'expérimenter une lumière qui est plus grande en lui. Et à ce moment-là, c'est sûr que par rapport à cette expérience-là, d'un côté, ça peut lui permettre de s'ouvrir à autre chose. Donc, par exemple, la personne qui est très matérialiste, qui est confronté au vécu d'une expérience paranormale, ben, ça l'amène à réaliser que quelque part l'esprit existe, que la réalité est multidimensionnelle à travers son expérience concrète qu'il en fait. Donc ça a une utilité parce que ça peut préparer le terrain par la suite à une fusion avec le plan mental. C'est sûr que si l'individu est appelé à vivre une intégration de la lumière de l'esprit dans son existence, qu'un premier contact soit établi à travers une expérience qu'il peut interpréter comme étant mystique ou fascinante, ça a son utilité en vue de l'intégration totale de la vibration de l'esprit qui va avoir cours dans les années qui vont suivre durant son existence. Donc à ce moment-là, une expérience de cette nature peut servir à préparer le terrain pour autre chose. Par contre, une expérience comme celle-là peut amener une fascination si elle est trop grande, qui va désorganiser l'individu en l'amenant à développer des problèmes au niveau du sommeil, au niveau de son fonctionnement dans son quotidien. Parce que des fois, lorsque les gens vivent des expériences de nature paranormale de grande intensité, ils n'ont pas nécessairement le goût de travailler le lendemain. Donc, ça peut perturber le fonctionnement de l'individu, que ce soit dans son rapport avec ses enfants, les membres de sa famille, et ainsi de suite. Donc, d'un côté, ça peut amener une ouverture de l'ego à autre chose, mais d'un autre côté, ça peut amener l'ego temporairement à être dysfonctionnel. Donc, d'où l'importance d'être capable, dans la mesure du possible, d'intégrer l'expérience en faisant preuve de neutralité sur le plan mental. Donc, pour faire suite à son message, il mentionne que dans son expérience, le temps semble s'arrêter tout d'un coup, et qu'on ressent une force qu'on veut à tout prix rester dans cette zone de plénitude, eh bien, c'est sûr que par rapport à cette expérience-là, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque la personne entre en contact avec un être de lumière, avec son esprit, qui a une vibration qui est forte, eh bien, la personne peut momentanément, lorsqu'elle est en harmonie avec la lumière de l'esprit, vivent une perte de contact avec la réalité sur le plan physique au niveau temporel, c'est-à-dire perdre momentanément la notion du temps et de l'espace. Un peu comme lorsque la personne va vivre ce qu'on appelle l'expérience de flow, FLOW, où elle perd la notion du temps et de l'espace parce qu'elle expérimente quelque chose qui l'intéresse et à la hauteur de ses capacités qui lui permet d'expérimenter son plein potentiel. Donc, quelque chose qu'elle fait, qu'elle est totalement là. Donc, si par exemple, quelqu'un a le potentiel d'être un artiste peintre ou un musicien ou également un communicateur, lorsqu'il expérimente, que ce soit la réalisation d'une peinture, la composition d'une chanson ou la réalisation d'un enregistrement, lorsqu'il fait ça, et mis en vibration par l'esprit pour agir ainsi, et que l'ego est en harmonie totale avec l'esprit, eh bien à ce moment-là, lorsque l'individu expérimente cela, il peut perdre la notion du temps et de l'espace parce qu'il est totalement présent. Alors que si l'individu fait quelque chose qui est en décalage avec son esprit, à ce moment-là, il n'est pas totalement là. Donc, autrement dit, quand la personne est en harmonie avec son esprit, il fait quelque chose, ça peut être de jouer une chanson, et pendant qu'il l'effectue, bien, il est totalement là parce qu'il vit la vibration de son esprit qui s'exprime créativement à travers l'expression artistique. Et pour l'individu qui vit une expérience de nature mystique, si l'individu vient en contact avec l'esprit, et s'il vit dans l'intelligence de l'esprit, à ce moment-là, il perd la notion du temps et de l'espace parce que l'esprit en tant que tel, en tant qu'énergie consciente, vit au-delà du temps et de l'espace parce que l'esprit n'est pas, en tant qu'énergie pure, assujetti aux lois du plan matériel, comme le corps physique peut l'être. Ce qui veut dire que l'esprit ne vit pas le temps comme l'être humain qui réfléchit le vit. D'ailleurs, si l'être humain est capable momentanément, en étant en harmonie totale avec l'énergie de l'esprit, fonctionner sans réflexion, eh bien, lorsqu'il ne fonctionne pas au niveau de l'intellect, la notion du temps s'arrête parce que le temps est nourri par l'aspect psychologique, l'aspect de l'intellect qui calcule le temps qui passe. Donc, si l'individu ne donne pas de la valeur à ça et est capable de fonctionner sans réflexion, donc sans penser de manière subjective, il vit au-delà de la temporalité lorsqu'il expérimente cet état. Sinon, par rapport à son commentaire, il mentionne qu'il essaie de comprendre le phénomène et de se préparer à retourner vers cet état d'être. Par rapport à ça, c'est sûr que l'individu, pour vivre cet état de plénitude, eh bien, ce qu'il peut faire, c'est vivre en fonction de la vibration de l'esprit. Et ça, ça peut passer par différentes choses, selon ce que la personne a fait concrètement sur le plan matériel. Pour une personne, ça peut être de faire des enregistrements. Pour une autre, ça peut être de faire du ménage. Pour un autre, ça peut être de faire de la peinture. Pour un autre, ça peut être de faire du théâtre. Donc, lorsque la personne fait une tâche ou quelque chose en harmonie avec l'esprit, eh bien, elle peut ressentir cet état de plénitude. Et bien entendu, pour ressentir cet état de plénitude, il faut que l'individu soit disponible. Il soit capable de faire preuve d'introspection et de laisser émerger la conscience en lui, les idées créatives et d'agir en conséquence. Et c'est précisément là qu'il peut vivre un état où ce qu'il va être rempli d'une énergie vitalisante, qu'il va canaliser intelligemment, parce que l'esprit appartient à une autre réalité. Et lorsque la réalité de l'esprit est intégrée et canalisée par l'individu sur le plan matériel, eh bien, à ce moment-là, il peut bénéficier de cet éclairage sur sa vie et de cette vibration pour se dynamiser dans son quotidien. Sinon, il avait posé également, Joey, la question à savoir si je connaissais Edgar Cayce. La réponse, c'est oui, je le connais. J'ai déjà lu à son sujet. Par contre, je ne suis pas intéressé à relire de nouveau des écrits et des livres le concernant. Je n'ai pas présentement la vibration pour cela. Je ne ressens pas non plus que c'est quelque chose qui m'interpelle d'approfondir à son sujet. C'est sûr que sur Terre, il y a eu des gens qui ont amené une forme d'instruction qui a été extrêmement utile pour le développement de l'humanité, que ce soit Rudolf Steiner, que ce soit Gurdjieff, que ce soit bien sûr Edgar Cayce. Il y en a également plein d'autres. Sauf que, en fait, l'individu peut utiliser temporairement ces instructions-là pour l'aider dans sa vie, mais éventuellement, l'individu doit être capable de canaliser davantage par lui-même ce qui est utile pour son propre développement, pour ainsi connaître un état d'autonomie psychique. Donc, de bénéficier de l'instruction de quelqu'un pendant un certain laps de temps, c'est bien. Ça peut aider temporairement à rehausser un taux vibratoire, mais éventuellement, l'individu doit être totalement autonome dans sa conscience et d'être capable de manifester par lui-même cette vibration-là à volonté sans avoir besoin du support et de recourir à la vibration et à l'instruction d'une autre personne. Voilà ce qui termine cet enregistrement. Et bien entendu, si vous avez des commentaires ou des questions en relation avec les enregistrements et textes que je produis, vous pouvez m'écrire un message à l'adresse courriel étant davidlevesque@commercial.com. hotmail.com.